Chapitre 16e, le feu au navire. Sur ce, arriva le courrier du Cap. Aussitôt la nouvelle d'un grand sinistre maritime se répandit. Des premiers, du son mille su ce dont il s'agissait. Un négociant du Cap venait acheter de l'ivoire à Porto Novo pour fabriquer des manches de couteau. Il avait vu la coque du navire naufragé, et il avait causé avec des marins de ce paquebot qui appartenait à la même compagnie que celui sur lequel il était venu. Muni de ces renseignements, Dussonville alla trouver Mademoiselle de Pellouer et sa tante dans leur case et leur dit « Mesdames, je n'ai pas été mauvais prophète. Notre vapeur, la ville de Liverpool, est anéantie. Il n'en reste que la coque qui est en fer. Elle se trouve si profondément envasée et en si mauvais état qu'il est impossible d'en tirer parti. Un incendie s'est déclaré en mer et le capitaine n'a eu d'autre ressource que de se jeter à la côte. Passagers et marins sont sauvés, mais non sans avoir éprouvé des transes et des tribulations. Ils ont dû attendre les secours pendant 12 jours sur une place déserte en subissant de grandes souffrances. Je suis bien vengé. Le capitaine va se trouver sans navire et toutes les compagnies, tous les armateurs hésiteront à lui confier un commandement, car il sera mal noté. » Et Dussonville se frotta les mains. Mademoiselle de Pellouer, se taisant, Dussonville étonné, lui demanda « À quoi pensez-vous donc ?» « Je trouve que vous avez commis un crime en mettant le feu aux vapeurs. » Il se mit à rire. « Je n'ai pas allumé l'incendie, » protesta-t-il. « Je savais seulement que celui-ci couvait et qu'il était impossible de l'éteindre. » Ils m'ont mis au fer, à fond de cale, et jeté contre la cloison de fer de la soute à charbon de réserve. Je m'aperçus qu'elle était brûlante. Il s'était produit un cas de combustion spontanée, comme cela arrive trop fréquemment. Pour peu que la soute fasse eau, là où il mouillait, s'échauffe et produit des gaz qui s'enflamment d'eux-mêmes à une certaine température. C'est ce qui était arrivé. Faute d'air, la combustion est lente. Impossible d'éteindre le feu. Si l'on ouvre les écoutilles, le contact de l'atmosphère avec la houille produit une terrible flambée de gaz et tout ce qui peut brûler s'allume à bord. Si l'on tient les écoutilles fermées, en ouvrant des trous pour faire passer seulement les lances des pompes, l'eau projetée par celle-ci se résout en jets de vapeur qui font tout sauter. Le paquebot était donc absolument perdu. S'il avait dû se lancer en pleine mer, j'aurais averti le capitaine, malgré ce qui s'était passé. Mais son navire longeant toujours la côte, il pouvait toujours aborder et sauver ses passagers et son équipage. Ma vengeance, très mesurée en somme, se réduit à n'avoir pas révélé l'incendie près de Porto Novo, ce qui aurait épargné aux naufragés les désagréments qu'ils ont subis et mérités. Puisqu'il en est ainsi, dit Mademoiselle de Pellouer, je n'ai pas le courage de vous blâmer. » Elle sourit. « Je songe, » fit-elle, « à l'effarement de ces dames, si pleines de morts gautaines et impertinentes. Il paraît qu'elles étaient en piteux état quand les secours sont arrivés. Vous pourrez vous moquer d'elles quand vous les retrouverez au Cap. Mais je ne veux pas retourner au Cap, » protesta vivement Mademoiselle de Pellouer. « Je ne veux pas quitter mes Amazones qui m'ont proclamé leur princesse. Mademoiselle, vous n'y pensez pas. D'abord, il faut que j'aille à Paris. » Puis au Congo, pour me procurer 100 esclaves, et donner un fameux coup de main à la mission marchand, puis au Sénégal, pour y recruter 3 des anciens tirailleurs dont je veux faire des méharistes. Il me faut aussi 3 blancs pour tenir certains commandements. Enfin, la tête de tout mon monde, je me risquerai dans le pays des morts Tsarzas pour y acheter une vingtaine de chameaux légers et des méharis. Or là, les caravanes sont très souvent attaquées. Eh, commandant, ne vous ai-je pas prouvé que je savais me battre? Du Sénégal, vous irez en Australie. J'ai toujours rêvé de grands voyages et je ne veux pas perdre une si belle occasion d'en faire un. Mais la vie que je mènerai en Australie sera très dure, une vie sauvage, tant mieux. » Dussonville présenta en vain des objections. Mademoiselle de Pellouer était décidée. « Je renonce, » dit enfin le commandant, « à vaincre votre entêtement breton. Une chose m'étonne pourtant, c'est que votre tante n'ait pas joint ses efforts aux miens pour vous détourner de cette résolution. Mais commandant, » dit Mrs. Morton d'un air singulier. « Ce voyage n'est pas pour me déplaire, du reste, il me paraît tout naturel que nous vous suivions. »« Vous êtes la perle des tantes, » fit Dussonville. Ce compliment fit rougir de plaisir Mrs. Morton. Le capitaine prit congé. Lorsqu'il fut parti, Mrs. Morton dit à sa nièce, « Je pense que le commandant va s'empresser de régulariser sa situation. Les convenances l'exigent. Que voulez-vous dire ? N'a-t-il pas cette fois clairement annoncé ses intentions ? « Voilà donc votre manie qui vous reprend. Vous voyez partout des prétendants. » »« Ne songez-vous donc pas à la différence d'âge ? On n'a que l'âge que l'on paraît. » Vous paraissez le vôtre, ma pauvre tante. Ce n'est pas ce que mon miroir me dit. Vous vous regardez avec des yeux prévenus en votre faveur. Croyez-vous donc que le capitaine soit assez sot pour se laisser prendre au plâtre et au fard dont vous masquez vos rides? Vous vous rendez ridicule, voilà tout. Je vous dis, moi, petit entêté, que le commandant a des intentions. L'intérêt qu'il me porte est visible. Il est bon et poli, voilà tout. Nous verrons bien. » Sur ce, Mrs. Morton, pour finir la querelle, sortit d'un air plein de fatuité. « Vieille folle !» s'écria Mademoiselle de Pellware. Elle était peut-être un peu plus furieuse qu'il n'eût convenu. 3 jours après, M. Dussonville partait pour Paris par le paquebot français. Il laissait ses Amazones à Porto Novo, et il devait les reprendre à son retour pour les rejoindre dans la mission marchand au Congo, avec mission de châtier vigoureusement les bandits de la forêt de Loango. Ainsi s'achève, au Dahomey, le tome 1er, les voyages, explorations, aventures, par Louis Noir.